sont les philosophes russes? Bakhtine, Dostoïevski, Trotsky. Bienheureux celui qui, en France, a déjà croisé l'un d'entre eux en cours de philosophie, et pas seulement en histoire ou en littérature. Serait-il plus politique ou plus poétique que les autres? Aurait-il quelque chose de plus mystique, de plus cosmique, de plus tragique? Mais par rapport à qui ou à quoi? À l'Orient? À l'Occident, au rêve du Nanslav, à l'histoire géopolitique? Faut-il comparer les philosophes russes pour les comprendre, ou faut-il découvrir ce qu'ils ont dit et ont fait? Quels sont leurs concepts? Comment ont-ils écrit? De quelle matière sont faites leurs pensées? Comment se frottent-ils à la raison, au corps ou à l'existence? Rencontre cette semaine avec quatre philosophes russes en particulier, et on commence avec Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Vestiplanie, ça veut dire insurrection. Et Kerensky, c'est Kerensky, et bolcheviki, c'est bolchevique. Alors je crois que c'est un appel à l'insurrection des bolcheviks contre le gouvernement Kerensky. Bonjour Dominique Collat. Vous êtes professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au CERI, Centre de Recherche Internationale. On peut dire que vous êtes le grand spécialiste de Lénine et du léninisme en France. Je suis un des spécialistes. Vous avez écrit en tout cas plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Lénine, une biographie parue chez Fayard, et le léninisme, disponible au PUF. En quoi Lénine était-il un philosophe? Cela peut sembler surprenant de qualifier Lénine de philosophe, surtout aujourd'hui où les léninistes sont de moins en moins nombreux. Mais si Lénine n'a pas été un philosophe au sens où on peut dire que Kant a été un philosophe ou Hegel a été un philosophe, il a consacré une partie de son œuvre qui fait 55 volumes en russe, et encore tout n'a pas été publié, il a consacré une partie de son œuvre immense à des réflexions sur des principes philosophiques, en se réclamant évidemment de la tradition marxiste et en revendiquant une position qu'il appelle le matérialisme dialectique. Et il a mêlé ses considérations philosophiques à des polémiques contre d'autres philosophes. Lénine se définit comme un matérialiste par rapport aux idéalistes. Il se définit comme un matérialiste au sens où, pour lui, la connaissance vient de des sensations et que la connaissance peut être objective. Et au nom de cette position, il va déduire un certain nombre de principes d'hostilité, de polémique contre d'autres philosophes, des philosophes qui ont illustré à ses yeux des déviations du marxisme. Et on peut noter que Lénine a consacré un ouvrage de plusieurs centaines de pages sous le titre « Matérialisme et empirio-criticisme » à ses critiques contre ses adversaires philosophes. Donc très spéculatif cet ouvrage, pas un ouvrage de théorie politique. Alors, c'est un ouvrage spéculatif, mais comme toujours chez Lénine, la spéculation d'autres registres que la spéculation est toujours accompagnée d'un combat. Lénine est un penseur qui pense en s'opposant, ou plus exactement, il pense pour faire triompher son point de vue, et pour lui, par exemple, les idéalistes sont des ennemis. Il n'a pas, par rapport à l'idéalisme, disons, celui de Kant, ou celui qu'il haït parce que c'est celui d'un prêtre, Berkeley, il n'a pas, par rapport à cette position d'hostilité à l'idéalisme, il n'a pas simplement une position spéculative, il a une position polémique. C'est-à-dire, il veut détruire l'idéalisme. Il considère que l'idéalisme est un ennemi, et qui est un ennemi politique. Alors, qu'est-ce qui précède l'un ou l'autre chez Lénine? Comment s'est fait cette formation, on va dire, entre philosophie et politique? Est-ce que c'est le contexte politique dans lequel il naît à la fin du 19e siècle, déjà un siècle engagé avec quelques remous, quelques révoltes? Est-ce que c'est ça qui le pousse à travailler les philosophes qui vont l'aider, en fait, à s'armer conceptuellement, ou est-ce que c'est la rencontre avec Marx, avec des philosophes, qui vont lui permettre d'aller vers le combat politique? Le combat principal de Lénine, le combat intellectuel principal de Lénine, c'est de s'approprier ce qu'il peut connaître de Marx. Donc c'est d'abord Marx qu'il rencontre. C'est d'abord Marx, et tout aussi Engels. Engels, qui n'avait pas exactement sur les questions philosophiques les mêmes positions que Marx, et notamment la théorie du matérialisme de Engels est plus un héritage chez Lénine de Engels que de Marx. Mais Lénine a une formation, on va dire, classique, il a fait à l'université des études de droit. Et ces études de droit l'ont conduit à un métier qu'il a exercé partiellement d'avocat, et à s'engager très tôt dans la politique. Ce n'est pas un cas unique. Dans la jeunesse intellectuelle de Saint-Pétersbourg, dans les années 1890, en 1890, Lénine a 20 ans, hein, il a en plus un héritage particulier, qui est celui d'un frère qui a sans doute eu une influence dans la famille à cause de sa mort, parce que ce frère a été pendu pour un complot contre le tsar. Donc la famille de Lénine est une famille, on va dire, de critiques du tsarisme. Lénine a cherché à s'approprier Marx, mais le premier grand ouvrage qu'il a écrit, c'est une analyse économique de la Russie, qui s'appuie sur des statistiques, sur des données sociologiques, sur une analyse de la société russe. Donc on pourrait dire aussi bien que Lénine, s'il est partiellement et à temps partiel un philosophe, et plus encore un sociologue de la politique. Qu'on se représente une insurrection populaire. Tout le monde conviendra sans doute aujourd'hui que nous devons y songer et nous y préparer. Mais comment nous y préparer? Vous ne voudriez tout de même pas qu'un comité central désigne des agents dans toutes les localités pour préparer l'insurrection? Un réseau d'agents qui se serait formé de lui-même en travaillant à la création et à la diffusion d'un journal commun ne devrait pas attendre les bras croisés le mot d'ordre de l'insurrection. Il accomplirait justement une œuvre régulière qui lui garantirait en cas d'insurrection le plus de chances de succès. C'est en faisant ce travail qu'on apprendrait à apprécier exactement la situation politique générale, et par suite, à bien choisir le moment favorable pour l'insurrection. C'est cette action qui apprendrait à toutes les organisations locales à réagir simultanément en face des problèmes, incidents ou événements politiques qui passionnent toute la Russie. À répondre à ces événements de la façon la plus énergique, la plus uniforme et la plus rationnelle possible. Car au fond, l'insurrection est la riposte la plus énergique, la plus uniforme et la plus rationnelle, faite par le peuple tout entier au gouvernement. Dominique Collin, on vient d'entendre, interprété par le comédien Vincent Schmitt, un extrait du texte de Lénine, Que faire, qui date de 1902, extrait de plan d'un journal politique pour toute la Russie, partie qui porte sur de quel type d'organisation avons-nous besoin. On entend Lénine y parler d'insurrection. Un mot d'abord sur ce terme d'insurrection. Pourquoi ce terme-là d'insurrection et pas plutôt celui de révolution? On sait que les mots ont une importance pour Lénine, surtout s'il a été formé à l'école de Marx. Pourquoi choisir ce terme d'insurrection? Quelle est la différence avec la révolution ou avec la révolte? Alors, pour Lénine, l'insurrection, c'est l'entrée dans la révolution. Il n'y a pas chez lui une opposition entre l'insurrection et la révolution. L'insurrection, c'est une méthode, une technique pour se saisir du pouvoir. Sans doute est-il marqué par l'importance que Marx lui-même a accordée à l'insurrection. Il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais on peut considérer que un des grands héritages du 19e siècle français a été un modèle de révolution où on rentre dans la révolution par l'insurrection. C'est le modèle de 1848. La révolution de 1848 commence par un mouvement armé qui s'empare des sièges du pouvoir, qui renverse le pouvoir, qui renverse le trône, et puis après on va convoquer une assemblée constituante, élaborer une nouvelle constitution et pouvoir passer de la monarchie à la république. Et ce schéma est évidemment très important pour Lénine. Il imagine, il rêve qu'on puisse renverser par la force le tsarisme et instaurer quelque chose qui, en 1902, est pour lui quelque chose comme une république moderne, une république démocratique, une république qui assurerait les libertés, qui donnerait la liberté de presse, la liberté de conscience, qui donnerait le suffrage universel. En même temps, il faut avoir à l'esprit que ce mot d'insurrection que Lénine prononce en 1902, il va le suivre en quelque sorte pendant toute sa carrière. Lors de la révolution de 1905, la première grande révolution russe, Lénine rêve que l'insurrection soit plus résolue, que les combats soient plus déterminé, et il appelle à des émeutes en ayant même des détails sur la façon de construire les barricades, d'utiliser les bombes pour essayer d'abattre le tsarisme. Mais le point culminant, si je puis dire, de la réflexion de Lénine sur l'insurrection, c'est en 1917. Il arrive... Donc 15 ans plus tard. C'est 15 ans plus tard. Il arrive depuis Zurich à Petrograd, et il propose à ses camarades un peu étonnés qu'on ne s'arrête pas à une révolution qui a renversé le tsarisme et qui a instauré des principes démocratiques comme le suffrage universel pour les citoyens et pour les citoyennes, mais Lénine propose qu'on aille au-delà et dans une sorte de transgression, qu'on commence dès maintenant à prendre des mesures socialistes et à instaurer le socialisme. Et pour y arriver, il faut un gouvernement bolchévique, il faut un pouvoir bolchévique, il faut la dictature du prolétariat, et donc Lénine va prôner une insurrection qui va être déclenchée en octobre, c'est évidemment ce qu'on appelle la révolution d'octobre. Et autant on peut dire qu'en février, il y a bien eu une révolution populaire dont un des moteurs était la faim, en octobre 17, on pourrait dire qu'on a plutôt affaire à un coup d'État où les bolcheviques vont prendre le pouvoir et le pouvoir seul. Ce qui est intéressant dans ce texte, Dominique Colas, c'est que la révolution, de manière un peu naïve, peut apparaître comme un mouvement spontané qui, par une sorte de concordance de facteurs, tout à coup va exploser. C'est-à-dire que c'est un peu la vision naïve d'une révolution qui se joue sur le moment, qui est un événement. Et là, Lénine nous dit non, on n'attend pas l'insurrection, elle n'arrive pas d'un coup. Elle se prépare. Donc là, il est assez. On peut dire qu'il y a d'une part la révolution sur le long terme et la révolution sur le moment. Mais là, Lénine dit quand même quelque chose de plus. C'est qu'il faut préparer sur le long terme une insurrection. Mais est-ce que l'insurrection était voulue? Est-ce qu'elle était à ce point-là conscientisée? Est-ce que c'était quelque chose de populaire de vouloir renverser le tsarisme? Et puis, est-ce que c'est quelque chose de si courant que ça de voir la révolution comme quelque chose qui se provoque? Au début du siècle, il y a en Russie des traditions révolutionnaires, des traditions réformatrices qui sont diverses et qui sont nombreuses, qui intéressent plus les intellectuels urbains et une toute petite partie de la classe ouvrière que, par exemple, la paysannerie. Mais dans cette diversité, Lénine prend une position qui va spécifier ce qu'on appelle le bolchevisme. Et cette position, c'est d'une part de vouloir refuser de s'aligner sur ce qu'on appelle à l'époque les libéraux et qui sont pour la transformation progressive du tsarisme en régime démocratique, ou l'autre possibilité, c'est de provoquer par la violence un renversement de du tsarisme. Et pour Lénine, c'est clé chez lui. Le renversement du tsarisme par une insurrection ne pourra être possible que par un parti politique rationalisé, moderne, efficace. Alors, c'est ce qu'il dit dans la suite du texte « Que faire ?» où il parle d'une relation, de relations qui créent l'unité effective du parti et sans lesquelles il est impossible de discuter collectivement du plan de l'insurrection. Donc il y a vraiment quelque chose de... C'est le parti, en fait, qui donne la direction et qui crée le sentiment ou la nécessité de s'insurger. Alors, en même temps, Lénine n'est pas ce qu'il appellerait, lui, un blanquiste. C'est-à-dire, il ne croit pas que si on s'empare d'un palais à Petrograd et qu'on déclare à toute la population que la révolution est faite, que ça entraînera nécessairement un soutien. Lui, il pense que le parti doit faire de la propagande, il doit faire de l'agitation, il doit par exemple inciter les ouvriers à faire grève, mais il ne croit pas que la révolution puisse être déclenchée uniquement par la décision du parti. Simplement, si les transformations sociales conduisent à une sorte de mouvement, d'ébullition, alors s'il n'y a pas de parti à ce moment-là, les chances de la révolution seront gâchées. Et c'est bien la leçon qu'il tirera ultérieurement de la révolution de 1905, c'est que pour lui, la révolution de 1905 a raté parce que le parti n'était pas suffisamment puissant et que même s'il y avait des mouvements de grève, des émeutes dans les villes et des grandes manifestations avec beaucoup de morts, néanmoins, il y a eu une sorte de gaspillage parce que l'instrument moteur et l'avant-garde de la révolution n'existait pas, le parti. Et c'est pourquoi il a développé dans Que faire, avant de parler de l'insurrection, il a développé longuement une théorie du parti, un parti qui doit être puissamment organisé et qui doit pouvoir diriger la révolution, alors que, par exemple, les libéraux pensaient que, il faut un certain nombre de transformations progressives qui conduiront à le régime tsariste à se modifier. Et monsieur Zinoviev, croyez-vous toujours que l'heure ne se prête pas pour les bolcheviks à une insurrection? J'ai interviewé Zinoviev à Smolny. Il se cachait avec Lénine. On est à 10 ans près, mais pas un jour près. Son style reste celui d'un homme qui se cache. Nous avons entendu Trotsky à Smolny. Si Lénine représente la pensée, Trotsky représente l'action. C'est essentiellement un agitateur. La salle de réunion était bondée. Tout à coup, sur le podium, quelqu'un demanda aux camarades de ne pas fumer. Et tous les manifestants, fumeurs y compris, reprirent en chœur « Ne fumez pas » et fumèrent de plus belle. Tout d'un coup, Trotsky déclara « Essayons d'éviter l'insurrection, mais si le gouvernement Kerensky nous attaque, nous rendrons coup pour coup. » La salle explosa de joie. Lénine est un étrange leader populaire. Chef de par la vertu de son intellect, sans couleur, sans humour, intransigeant. Il semble ne rien avoir de la personnalité de Trotsky, ni de son don d'orateur, mais néanmoins c'est Lénine qui est l'architecte. Les chemins de la philosophie, France Culture, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Lénine, l'architecte. C'est un extrait du film de Warren Beatty qui date de 1981. Red, qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Lénine, l'architecte, Dominique Collat? Vous avez parlé vous-même d'un parti qui doit être organisé. Je ne l'ai pas encore dit, mais il y a quand même une professionnalisation des révolutionnaires avec Lénine, puisqu'il parle dans le texte « Que faire » de révolutionnaires professionnels. Que faut-il entendre donc par Lénine, architecte? Lénine, architecte, parce que on peut considérer que ce qu'il avait en tête, c'est de bâtir un parti qui soit consistant, solide, homogène et sans division. Son projet de parti politique, et c'est un projet qu'il a poursuivi toute sa vie et qu'il a constamment rappelé contre des déviations, des écarts, son projet de parti politique, il est en fait inspiré par une lecture qu'il a faite de Marx. Car il n'a pas simplement lu les textes de Marx sur les révolutions françaises du XIXe siècle. Lénine a aussi lu Le Capital, du moins une partie du Capital, le livre premier du Capital, et il l'a lu d'autant plus facilement qu'il pouvait lire l'allemand. Et il n'a pas lu la suite ? Le livre premier du Capital, c'est déjà quelques... 1000 pages. Non, mais on pourrait se dire, pour un marxiste, oui, mais vous pouvez lire Le Capital en entier. Il y a la suite du Capital est peut-être moins, était moins sans doute pertinente que pour lui que le livre premier. Alors dans le livre premier du Capital, il y a un chapitre sur la coopération, et ce chapitre a puissamment inspiré Lénine. On peut dire que un des points sur lesquels Lénine est marxiste, c'est d'avoir emprunté à Marx sa vision de l'usine où règne la coopération, et Marx compare cette usine à une machine, à une armée, à un orchestre. Et on va retrouver ces métaphores, ce modèle chez Lénine. Il va assimiler le parti politique à une organisation très bien rodée. Alors, non seulement rodée, parce que ça veut dire ça qui fonctionne bien, mais une organisation où règne la discipline, une organisation où règne une commande centrale qui s'impose à tous les individus, membres de l'organisation, une organisation qui soit le contraire d'un parlement. Lénine déteste le parlement. Il déteste que, alors que lui passe son temps à écrire. Il déteste l'idée de délibération. Il déteste l'idée de délibération. Il déteste, alors que lui ne cesse d'écrire, il déteste les discussions après que des ordres soient donnés. Il veut qu'il y ait un principe d'obéissance au sein du parti, et que les membres du parti, à partir du moment où ils ont adhéré, ils ont en quelque sorte abdiqué, on pourrait dire aliéné, leur volonté au profit de la volonté du parti. Mais que reste-t-il de la démocratie dans la théorie de Lénine, à partir du moment où c'est le parti qui provoque une conscience de classe, qui provoque l'insurrection, qui en fait donne les mots d'ordre aux individus? Alors certes, on pourrait s'inspirer de la démocratie de Rousseau en disant que on lègue avec le contrat social sa volonté individuelle à la volonté générale, mais là, on ne parle pas de volonté générale, on parle de la volonté du parti. Est-ce que la volonté du parti est une volonté générale? La démocratie pour Lénine n'est pas du tout un objet d'admiration. Ça peut être une étape provisoire dans le développement d'un processus historique, mais il n'adhère pas à l'idée la volonté du peuple, et qui se traduirait dans un parlement ou dans des élections. Pour lui, la démocratie bourgeoise, c'est une démocratie fausse, une démocratie illusoire, une démocratie trompeuse, puisque la démocratie bourgeoise, c'est en fait la dictature d'une minorité. Et donc, on a un renversement chez Lénine, c'est que la démocratie, c'est la dictature, et il va inversement démontrer que la dictature, c'est la démocratie, quand le parti unique va s'instaurer en Russie à partir d'octobre 1917, il va développer la thèse selon laquelle, eh bien, maintenant règne la véritable démocratie, même si c'est une démocratie fait peser une sorte de d'oppression sur les classes exploiteuses, les classes jadis exploiteuses, c'est néanmoins cette démocratie est triomphe et elle est beaucoup plus effective que la démocratie bourgeoise qui était en fait une dictature. Mais au fond, quel est, Dominique Collat, le but de Lénine? C'est peut-être bête de poser la question comme ça, mais finalement, en fait, pourquoi il s'est engagé pour lutter? Enfin, en fait, à quoi devait mener cette lutte? Vous avez dit tout à l'heure que ce soit en philosophie, que ce soit en politique, Lénine était attaché à la lutte, mais pour vaincre qui et pour faire gagner quoi? Il y a deux éléments au moins de réponse à cette question. Lénine se fixe un but ultime qui est la libération de l'humanité. Et il pense que si on arrive à abolir les classes sociales, on arrivera à réduire en quelque sorte les souffrances de l'humanité pour bénéficier d'un état, d'une situation optima. En fonction de ce but qui, on pourrait dire, revient à construire la cité de Dieu sur Terre, ce but... qui serait le bonheur des peuples et pas forcément leur liberté. Oui, mais quand il n'y aura plus de classe sociale, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus d'oppression. Il y aura l'opulence, il y aura plus de coercition. Lénine ne décrit pas cette situation. Il ne l'analyse pas dans les détails. Mais ce qu'il appelle le communisme sera le règne où l'humanité arrivera au bonheur. Alors pour y arriver, il est prêt à déployer tous les moyens qui sont nécessaire, y compris les moyens les plus cruels. Le terme cruauté revient fréquemment chez Lénine. Il ne dissimule pas dans son exercice du pouvoir qu'il faille être cruel, brutal et même sanguinaire. Mais pour lui, ce prix à payer est infime par rapport au but auquel on va arriver. Et c'est pourquoi j'ai qualifié dans un de mes textes Lénine de fanatique. Parce que le fanatique, c'est celui qui pense que il y a une possibilité d'instaurer sur la cité terrestre la cité de Dieu et de supprimer en quelque sorte l'intervalle entre la cité terrestre et la cité de Dieu en faisant descendre la cité de Dieu sur la cité terrestre. Et du même coup, la souffrance pour parcourir cet itinéraire est négligeable. Et Lénine, avec une très bonne conscience, va prôner des mesures de coercition, dont une des plus célèbre est la répression de l'insurrection de Kronstadt en 1921, mais il y en a toute une liste, hein, l'extermination programmée des prêtres en 1922, l'incitation à pendre le plus possible de paysans riches, les koulaks, pendant le mois d'août 1918, et l'ouverture qui évidemment a une très forte signification à cause du devenir du communisme soviétique, l'incitation à ouvrir des camps de concentration en août 1918. la guerre actuelle provoque chez les socialistes chrétiens réactionnaires et les petits bourgeois pleurnichards uniquement de l'épouvante et de l'horreur, de la répulsion pour tout emploi des armes, pour le sang et la mort, etc., nous avons le devoir de dire « la société capitaliste a toujours été et demeure en permanence une horreur sans fin ». Et maintenant, la guerre actuelle, la plus réactionnaire de toutes les guerres, prépare à cette société une fin pleine d'horreur. Nous n'avons aucune raison de sombrer dans le désespoir. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite, et qu'ils ne l'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Mais chaque fois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Oh, il ne se passe jamais plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre. Et des sages pour ne rien faire. Dominique Collas, je viens de lire un extrait du programme militaire de la révolution prolétarienne de 1916, qui est donc un texte de Lénine, et on a entendu juste après un extrait du film La naissance de l'amour, un film de Philippe Garrel qui date de 1993 avec Jean-Pierre Léo, qui parle de Lénine en disant « il faut être fou pour faire la révolution ». Dominique Collas, vous avez parlé de fanatisme, vous avez parlé de cruauté, et on peut dire que dans la pensée, mais aussi dans l'action de Lénine, il y a toute une place accordée à l'idée de violence, de force qui serait mise au service du but à atteindre, donc rendre l'humanité plus heureuse. Pour Lénine, la société est composée de forces. Alors on pourrait évidemment repartir de Marx. Le principe de l'histoire, dans une version simplifiée de Marx, mais qui est incontesté, c'est de penser que le développement de l'histoire, c'est le développement des forces productives. Et Lénine pense cela. Et il demande en permanence la modernisation de l'industrie. Il regrette à une époque qu'on n'ait pas engagé des travaux pour percer un tunnel sous la Manche, et il pourrait être satisfait aujourd'hui. Il voit là-dedans, dans cette réticence du capitalisme à être entrepreneurial, il voit là une lacune. Mais il y a donc les forces productives, et puis il y a, d'une façon un peu compliquée, il y a aussi les forces sociales, qui sont les forces des classes sociales, et puis dans ces forces, il y a le parti politique qui est comme un multiplicateur de forces. Le parti dont on parlait tout à l'heure. L'organisation, voilà, si bien huilée. L'organisation. Lénine, il pense l'organisation comme étant un levier qui va multiplier la force. Au lieu d'avoir des petits tronçons séparés les uns des autres, on a une grande barre de bois ou d'acier qui va permettre de soulever un poids considérable. Donc, les forces sont au principe de l'existence sociale. Et Lénine définit la politique comme un rapport de force. Mais alors, il y a force comme une puissance, comme quelque chose qui, on va dire, a une consistance sur l'échiquier politique ou social. Mais il y a aussi la force même très matérielle. Et c'est un matérialiste, Lénine. Donc, je parle de force aussi. J'ai lu ce texte sur la guerre. Je parle d'horreur, de sang, de mort. Pour Lénine, la force transforme par des affrontements entre forces. Elle se transforme en violence. Et il reprend à son compte des formules issues du marxisme, selon laquelle la violence est l'accoucheuse de l'histoire. L'accouchement, dit Lénine, il s'appuie sur Zola pour faire ses références. L'accouchement, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de brutal. La femme est dans une condition épouvantable, mais après, il y a un bébé, et qui refuserait au nom de la souffrance de la mère, les joies de la maternité et de la paternité. Donc Lénine considère que la violence était un élément nécessaire de l'organisation sociale qui ne peut pas être conflictuelle, car les classes sociales ont des intérêts qu'elles opposent les unes aux autres. Et donc, les classes sociales ne sont pas animées par une sorte de capacité à s'auto-réguler. Du coup... Donc ces forces-là, ce jeu de forces n'est pas auto-régulé, n'est pas naturellement bien équilibré. Aucune classe sociale ne quitte l'histoire d'elle-même, ne quitte la scène de l'histoire d'elle-même. Et donc, quand une classe sociale est menacée, elle va se mobiliser pour défendre ses positions. Et c'est ce que Lénine anticipe en 1917, mais ce qu'il avait déjà théorisé antérieurement. En 1917, il pense que les riches, les capitalistes, les possédants, les paysans riches, les koulaks, comme on dit, que ces éléments privilégiés de la société ne quitteront pas la scène de l'histoire. Et même qu'ils vont contre-attaquer pour défendre leur position. Du même coup, il faut anticiper leur contre-attaque et les attaquer. Donc il y a une sorte de logique de la prophétie autocréatrice. Pour Lénine, la bourgeoisie ne quittera pas le terrain sur lequel elle a pu dominer à un moment de son plein gré, et en quelque sorte la guerre civile qui va éclater en Russie va lui donner une confirmation et va l'entraîner à renforcer en quelque sorte cette analyse des forces sociales qui se transforment en violence par leur affrontement. Je vous propose, Dominique Collat, qu'on entende la voix de Lénine et qu'on entende justement un discours de Lénine sur la dissolution de l'Assemblée constituante prononcée à la séance du Comité exécutif central. C'était en janvier 1918. Lénine, comme vous l'avez dit, Dominique Collat, saisissant l'occasion de la guerre civile pour prendre le pouvoir. Le passage du capitalisme au régime socialiste s'accompagne d'une lutte longue et tenace. Après avoir renversé le tsarisme, la révolution russe devait constamment aller de l'avant, sans se limiter à la victoire de la révolution bourgeoise, car la guerre et les calamités sans précédent qu'elle a causées aux peuples exténués ont créé un terrain propice à l'explosion de la révolution sociale. C'est pourquoi rien n'est plus ridicule que de dire que le développement ultérieur de la révolution, la révolte ultérieure des masses, ont été provoqués par tel ou tel parti, par telle ou telle personnalité, ou, comme il le proclame, par la volonté d'un dictateur. L'incendie de la révolution s'est embrasé exclusivement en raison des souffrances incroyables de la Russie, et de l'ensemble des conditions créées par la guerre qui a placé de façon brutale et décisive le peuple travailleur devant cette alternative, ou bien faire un pas hardi, décidé et intrépide, ou bien périr, mourir de faim. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Dominique Collat, comment faut-il entendre ce texte qu'on a entendu, interprété par le comédien Vincent Schmitt, ce texte dans lequel Lénine nous dit « L'incendie de la Révolution s'est embrasé exclusivement en raison des souffrances incroyables de la Russie et de l'ensemble des conditions créées par la guerre, qui a placé de façon brutale et décisive devant le peuple travailleur, devant cette alternative, ou bien faire un pas hardi, décidé et intrépide, ou bien périr, mourir de faim ». Comment comprendre ces phrases dans la mesure où, en fait, on voit que depuis plus d'une dizaine d'années, Lénine a construit une théorie politique, philosophique, de révolution, pour pouvoir justement se préparer à la révolution. Il semble présenter la révolution comme quelque chose d'impersonnel, un événement qui, comme ça, a fait l'histoire, alors même que la révolution a été préparée. Pour Lénine, la guerre a affaibli le tsarisme à cause des souffrances qu'elle a engendrées, et sans doute que le mode d'organisation de l'État tsariste, les difficultés économiques provoquées par la guerre, et au premier chef la pénurie de vivres a impacté la Russie, l'Empire russe, beaucoup plus que les démocraties occidentales, hein, que la France, par exemple. La révolution de février 1917, celle qui va renverser le tsarisme, cette révolution a été très largement due à des manifestations liées à la faim, mais aussi à une manifestation de femmes en raison d'une journée internationale des femmes. Donc il y a des manifestations de rue, et ces manifestations de rue, qui sont soutenues par les partis politiques d'opposition, vont embraser la Russie. Et Lénine sait bien, à cause de Marx, et évidemment de ce qu'il sait de la Révolution française, il sait très bien que les révolutions sont pas déclenchées sur un ordre, mais que les révolutions, au fur et à mesure de leur développement, peuvent être infléchies dans une direction ou dans une autre, selon les forces qui se manifestent et qui sont capables de prendre la tête des mouvements révolutionnaires. Alors comment Lénine a-t-il su infléchir cette révolution, cette insurrection populaire? Comment il a su saisir le moment favorable pour infléchir la révolution et justement peut-être pouvoir appliquer toutes les théories qu'il avait élaborées auparavant? On pourrait... C'est aussi une action que je pose d'ailleurs sur entre la théorie et la pratique, en fait. On pourrait d'abord souligner que les autres forces révolutionnaires, j'entends par forces révolutionnaires les forces qui ont aidé au renversement du tsarisme, que les autres forces révolutionnaires n'étaient ni très solides, ni très consistantes, ni très homogènes. Les partis qu'on pourrait appeler les partis libéraux, les partis constitutionnels, dont le plus célèbre s'appelait justement le Parti constitutionnel démocrate. Ces partis-là, qui vont être au pouvoir pendant un temps, ils ont pas beaucoup de base sociale, des industriels, chez les professeurs d'université, mais en dehors du monde urbain, ils ont pas énormément de pouvoir. Le grand parti, le socialiste révolutionnaire, c'est un parti qui est entre-déchiré par des tendances différentes, qui s'appuie très fortement sur la paysannerie, mais qui n'arrive pas à traduire son nombre par une action coordonnée. Pour parler des rivaux immédiats de Lénine, c'est-à-dire les mencheviks, qui se distingue donc des bolcheviks, notamment parce qu'ils n'ont pas la même théorie de l'organisation que les bolcheviks. Les mencheviks sont un groupe relativement relativement petit, minoritaire, et ils ne vont jamais arriver à se développer. Donc, Lénine est face à un paysage politique qui est éparpillé, et je ne parle même pas, bien qu'ils aient joué un rôle extrêmement important dans la révolution russe, je ne parle pas des anarchistes dont, par nature, on pourrait dire que le problème de leur organisation est extrêmement difficile. Et de ne pas en avoir. Voilà. Donc, les bolcheviks sont, même peu nombreux, ils sont relativement les plus puissants de toutes les autres organisations, politiques qui justement ne sont pas des organisations. Donc Lénine. Donc c'est l'organisation qui le fait triompher, c'est-à-dire sa grande théorie de l'organisation le fait gagner. Et du même coup, après la victoire remportée par l'insurrection d'octobre et l'instauration d'un gouvernement qui est entièrement communiste, entièrement bolchevique, Lénine va faire triompher dans sa propagande, dans ses mots d'ordre et dans ses consignes, cette idée que grâce à l'unité de la volonté, on a pu l'emporter, et aussi par des choix stratégiques dont il va essayer d'étayer. Alors justement, Dominique Collin, on va écouter tout de suite un texte de Lénine sur l'unité de la volonté. Comment une rigoureuse unité de volonté peut-elle être assurée? Par la soumission de la volonté de milliers de gens à celle d'une seule personne. Cette soumission rappellera plutôt la direction délicate d'un chef d'orchestre si ceux qui participent au travail commun sont parfaitement conscients et disciplinés. Elle peut revêtir des formes tranchées, dictatoriales, si la parfaite discipline et la conscience font défaut. Mais, de toute façon, la soumission sans réserve à une volonté unique est absolument indispensable pour le succès d'un travail organisé sur le modèle de la grande industrie mécanique. Elle est deux fois et même trois fois plus indispensable dans les chemins de fer. Et c'est ce passage d'une tâche politique à une autre en apparence totalement différente de la première qui constitue toute l'originalité du moment actuel. La révolution vient de briser les plus anciennes, les plus solides et les plus lourdes chaînes imposées aux masses par le régime de la trique. C'était hier. Mais aujourd'hui, la même révolution exige, justement pour assurer son développement et sa consolidation, justement dans l'intérêt du socialisme, que les masses obéissent sans réserve à la volonté unique des dirigeants du travail. Il est clair qu'une pareille transition ne se fait pas d'emblée. Elle ne peut s'accomplir qu'au prix de très violentes secousses, de perturbations, de retours au passé, d'une formidable tension d'énergie chez l'avant-garde prolétarienne qui conduit le peuple vers un nouvel ordre des choses. Dominique Collin, on vient d'entendre, interprété encore une fois par Vincent Schmitt, un texte de Lénine, c'est les tâches immédiates du pouvoir des soviets. On y entend donc cette idée d'unité de volonté, on retrouve la métaphore de la machine, du modèle de l'industrie mécanique, de la machine, de l'usine qui permet de bien huiler et de bien organiser les forces et les énergies en place. J'ai une question à vous poser, Dominique Collin, sur cette idée de volonté unique. Est-ce que elle n'est pas un petit peu paradoxale parce que il y a cette idée de hiérarchie, il y a un chef, il y a une volonté unique qui est celle du chef, ou alors est-ce que cette volonté unique est celle de tous? Mais tous, est-ce que tous les individus sont les mêmes? Vous voyez ce paradoxe entre ouvrir finalement le droit à tous, mais comme si tout le monde était le même, réfléchissait pareil, avait les mêmes idées, et puis ouvrir à tous, mais soumis à la volonté de quelqu'un qu'ils doivent copier. Lénine a une sorte de principe qu'il va affirmer de multitude de façons, c'est « mieux vaut moins, mais mieux ». Et donc moins, c'est un seul chef qui sera mieux. Non seulement un seul chef, mais il vaut mieux un parti avec un petit nombre de membres, un petit nombre de militants, qu'un grand parti qui serait en quelque sorte amorphe et qui ne serait pas capable de se mobiliser et d'obéir comme un seul homme. Il y a une sorte de représentation chez Lénine de la disparition de la volonté individuelle dans une volonté collective, et cette volonté collective, il pense qu'elle est plus efficace que la volonté multiple des individus. Oui, mais c'est paradoxal, vous voyez ce que vous venez de dire, Nicolas, de dire que la volonté collective est plus importante que la volonté individuelle, mais en même temps de dire que cette volonté collective, elle ne tient que dans une poignée d'adhérents à un parti qui serait meilleur parce que petit. Oui. Comment une volonté collective peut-elle être dans un parti petit ? C'est ce paradoxe, il conduit à un certain nombre de procédures qui sont que le parti a des adhérents. Une fois par an, en principe, il y a un congrès du parti où il y a un certain nombre de délégués. Parfois, ils sont quelques dizaines au début du XXe siècle, et ils sont quelques centaines quand le parti est au pouvoir. À ces congrès, on soumet des textes, on leur demande de se prononcer sur la ligne, sur un programme, et on élit un comité central, et puis on va désigner bientôt un bureau politique et un bureau d'organisation, et ce sont ces organismes qui sont censés représenter la volonté du pouvoir, la volonté du parti, pardon, et qui vont avoir le monopole du pouvoir. Et donc, la dictature du prolétariat, on pourrait dire que pour Lénine, à l'époque de Lénine, elle se réduit à la volonté du politburo qui comprend 5 membres. Et cet organisme est l'organisme qui, dans la hiérarchie du pouvoir soviétique, où il y a des échelons intermédiaires, et puis il y a un gouvernement en dehors du parti, et une administration et un État en dehors du parti, néanmoins, c'est le Politburo qui détient comme une petite oligarchie l'essentiel du pouvoir et qui va prétendre parler au nom de la volonté de tous les membres du parti. Et de tous. Et de tous. C'est-à-dire, la volonté du parti doit s'imposer à tous. Et ceux qui, soit à l'intérieur du parti, protestent, on va les expulser, ou bientôt, je dirais, on va faire peser sur eux des mesures de coercition, après Lénine surtout, ceux qui, dans la population, manifesteraient une opposition, une divergence, ou protesteraient, eh bien, on va sans hésiter les réprimer. Les tuer, même, on peut dire. J'ai ce texte sous les yeux, Dominique Collat, donc de Lénine, qui s'appelle « Comment organiser l'émulation », qui a été écrit en décembre 1917. Lénine y dit « Des milliers de formes et de procédés de recensement et de contrôle visant les riches, les filous et les parasites doivent être mis au point et éprouvés par les communes elles-mêmes, par les petites cellules à la campagne et à la ville. La diversité est ici un gage de vitalité, une promesse de succès dans la poursuite d'un même but unique, débarrasser la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces, les filous, des punaises, les riches et ainsi de suite. Ici, on mettra en prison une dizaine de riches, une douzaine de filous, une demi-douzaine d'ouvriers qui tire au flanc. Là, on les enverra nettoyer les latrines. Ailleurs, on les munira au sortir du cachot d'une carte jaune afin que le peuple entier puisse surveiller ces gens malfaisants jusqu'à ce qu'ils soient corrigés. Ou encore, on fusillera sur place un individu sur 10 coupable de parasitisme. Donc là, on a clairement l'idée que l'altérité n'est pas de mise et que la diversité est seulement accepté dans les moyens pour unifier la volonté, mais pas parmi les individus. Pour Lénine, il y a une vision du parti selon laquelle le parti se renforce en s'épurant. Et une fois que parti est au pouvoir, on va faire jouer à ce parti épuré le rôle d'un épurateur. Il faut, comme dit Lénine, nettoyer la terre russe. Alors, nettoyer la terre russe, ça peut être par toutes sortes de techniques. C'est par des techniques coercitives, ou ça peut être dans des décisions d'expulser un certain nombre d'intellectuels, parce qu'on parlait de la philosophie russe tout à l'heure. Lénine a signé une lettre accompagnant la liste de proscrits hors de Russie en 1922, et parmi lesquels il y avait un philosophe russe, Nicolas Berdiaïev, qui a été expulsé de Russie par la volonté de Lénine. Mais on pourrait considérer que cette vision du parti épuré et épurateur l'emporte dans toutes les autres représentations que Lénine a de sa propre action, et notamment parce que il y a un ennemi qu'il a visé particulièrement, ce sont les paysans riches. Et on peut dire que cette politique de élimination des koulaks en tant que classe va connaître son apogée à l'époque de Staline. Yo sé de todo camino que andei, sou feito de barro batido e ferro, sempre topei com madeira de lei, a ciência já me fez cupim de ferro. O podre se apodera, a lama fertiliza, o bombo vocifera, o terno viraliza. Merci beaucoup Dominique Collin. On se quitte sur un chanteur qui s'appelle Lénine, qui est brésilien et qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je rappelle que l'on peut lire, vous le connaissez ? Oui. Je rappelle que l'on peut lire de vous donc Lénine aux éditions Fayard, un dictionnaire de la pensée politique, auteur, œuvre, notion aux éditions Larousse, et enfin le léninisme, si vous voulez plus poursuivre la question, chers auditeurs, disponible aux éditions PUF. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Sisbert, Manon Delasselle, Isis Jourda, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Adèle Vendrette que vous retrouverez la semaine prochaine, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son Clément Daté. On se retrouve demain pour découvrir un autre philosophe russe, et demain place à Léon Chestov, l'existentialiste qui a inspiré Camus et sa pensée de l'absurde. Mais d'ici demain, vous pourrez réécouter cette émission ou l'écouter en allant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre nos programmes, avoir les informations de nos émissions et nous poser toutes